إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est au cours aujourd'hui, c'est le cours 141 et on continue l'explication du chapitre 61. Oui, c'est le chapitre 61. Le titre de ce chapitre c'est Maja Afi al-Musawwirin. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet des gens qui font des images ou des photos ou des peintures ou d'autres trucs hein, qui sont reliés avec les images ou les représentations des êtres humains et des animaux. Donc hier on a lu quelques hadiths à ce sujet-là, et il reste trois hadiths à expliquer par rapport à ce qui est dans ce chapitre. Donc on va les compléter aujourd'hui. Il y en a un qu'on avait commencé hier, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Et dans ce hadith-là, il disait que, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que chaque personne qui fait des représentations d'images, d'êtres humains ou d'animaux, il sera dans l'enfer. Et on va mettre pour à chaque image qu'il a fait, ou représentation qu'il a fait, eh bien, on va donner à cette image qu'il a fait une âme, et il sera châtié par cette image qu'il a créée dans le feu de l'enfer. Hein? Donc, ça veut dire chaque représentation. Si quelqu'un, par exemple, il a sculpté 10 formes humaines, eh bien, ces 10 formes humaines vont recevoir une âme, Allah va les faire vivre, et elles vont châtier cette personne-là qui a fait ces sculptures. Donc ça c'est un exemple. Et la même chose pour les photos ou les peintures ou les autres choses de ce genre. Donc imaginez, Allah al-Musta'an, les gens qui ont sculpté des grosses statues et des trucs comme ça là, quand Allah va donner une âme à ces statues là, quand les statues vont commencer à les frapper puis à les torturer dans l'enfer, ça va être vraiment pénible pour ces gens-là. Hein? Ensuite de ça, on est arrivé à la partie justement où on explique cette partie du hadith. وقوله ويجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. أي كل صورة صورها بأي وسيلة إما بنحت أو برسم أو بالتقاط بالآلة الفوتوغرافية كثرت الصور أو قلت تحضر هذه الصور التي صورها يوم القيامة ويجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم فهذه الصور تسليه العذاب يوم القيامة كما أن صاحب المال الذي لا يزكيه يجعل الله ماله ثعبانا يوم القيامة أو في القبر فيسلطه عليه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة كذلك الصور هذه تجعل فيها نفوس وتسلط عليه وتعذبه في نار جهنم فما بالكم بالذي صنع آلاف الصور والعياذ بالله سيعذب بها يوم القيامة والعياذ بالله كله بكلها كلها وهل يخلصه الذي يقول الصورة الفوتوغرافية لا يعذب بها donc le sheikh il a dit le sheikh سبحان الله il explique il dit ce hadith là quand le prophète a dit qu'on va mettre pour chaque image qu'il a fait, on va donner une âme à cette image et il sera châtié par cette image dans le feu de l'enfer. C'est-à-dire que chaque image que cette personne-là aura dessinée, peu importe par quel moyen il l'a fait, que ce soit une gravure ou un dessin, ou bien une photo faite avec une caméra, hein, peu importe que ce soit un petit nombre d'images, de photos ou un grand nombre, elles seront toutes présentes, rassemblées au jour de la résurrection, et on va donner à ces images une âme, et il sera châtié par ces images au jour de la, dans l'enfer. Hein. Et ces images vont le châtier, vont lui donner un châtiment au jour de la résurrection. C'est comme la personne, par exemple, qui avait de l'argent, puis qui n'avait pas donné la zakat de cet argent-là, alors qu'il devait la donner. Il sera châtié au jour de la résurrection ou bien dans sa tombe, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala va faire que le bien qu'il n'avait pas donné en zakat va se transformer en un serpent. Et il va être châtié par cet argent-là, par ce bien-là au jour de la résurrection. Donc ça veut dire que il faut faire attention à ça. Et le cheikh il donne le verset dans le Coran qui dit et que ceux qui sont avares avec qu'est-ce qu'ils ont de ce que Allah leur a donné, ceux qui ne donnent pas la zakat, eh ben qu'ils ne croient pas que c'est un bien pour eux. Ce que Allah leur a donné de sa grâce et qu'ils ne donnent pas en zakat, qu'ils ne croient pas que c'est un bien pour eux, ce surplus qu'ils gardent. En fait, c'est un mal pour eux et ils seront au jour de la résurrection, tout l'argent qu'ils n'ont pas donné, qu'ils ont gardé chez eux, hein, comme s'ils ont fait preuve d'avarice et ils ont gardé ces biens-là. Eh bien, on va leur accrocher au cou ce qu'ils avaient gardé avec avarice. Hein. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va leur attacher au cou. Et l'explication de ça, c'est-à-dire que ça va être transformé comme un serpent ou une vipère qui va leur tourner au cou. Hein. Et qui va les mordre. Donc ça, c'est un exemple à ce sujet-là. Bon, ça y est, on voit quoi. Et c'est ça ce qui va leur arriver à ces gens-là, à ce jour-là. Donc ça veut dire que il faut pas penser que le monde qu'on va voir après la mort, c'est comparable au monde qu'on voit dans cette vie actuellement. C'est-à-dire que c'est une autre dimension, c'est une autre réalité qu'on ne peut pas imaginer. Il y a des choses qui vont se produire au jour de la résurrection. On ne peut pas imaginer comment ces choses-là vont se produire. Comme par exemple, on voit des photos, des images qui vont être données à qui Allah va donner la vie. Allah va donner la vie à ces images-là. Hein? Donc ça, c'est des choses dans cette vie on peut pas imaginer, mais c'est des choses réelles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé de ces choses-là justement pour qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on s'éloigne de ces choses haram qu'il nous a interdit, comme par exemple de faire des photos. Et le cheikh il dit, imaginez que ces gens-là vont être châtiés, hein, dans l'enfer, pour une photo qu'ils ont fait. Là, imaginez celui qui a fait 1000 photos, ou 1000 images, ou 1000 dessins, ou 1000 représentations, ou plus que 1000 même. Eh ben, il va être châtié par toutes ces photos-là, toutes ces images, toutes ces représentations. Donc, il faut pas faire des images, ou des photos, ou des représentations, de quoi que ce soit. Et il faut, si on a fait ça, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il faut détruire cette photo, ou cette image, ou pas la laisser. Hein? Et après, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh, il dit, donc, qui est-ce qui va le sauver au jugement dernier? Qui est-ce qui va le sauver de ce châtiment-là au jugement dernier? Est-ce que celui qui disait les photos, celui qui fait des photographies, il va pas être châtié? Est-ce que c'est lui qui va le sauver au jugement dernier? Hein? Donc ça, c'est le cheikh qui donne cet exemple-là. Il dit après, il y a un autre hadith ensuite qui est mentionné et qui est rapporté aussi, par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abdullah ibn Abbas également, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une photo dans cette dunya ou une image, on va le charger au jour de la résurrection de souffler dans cette image une âme. Et il ne sera jamais capable de le faire. Donc c'est comme, ce sera un autre châtiment de plus. comme le cheikh l'explique ce hadith-là, il dit « قوله صلى الله عليه وسلم يجعل له بكل سورة قيل إن الباء سببية أي بسبب كل سورة وقيل الباء بمعنى في أي في كل سورة نفس يعذب بها أقيد وقوله وله ما عنه مرفوعا من من صور سورة هذا نوع آخر من الوعيد كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أي تحذر الصور كلها التي صنعها ويؤمر بأن ينفخ فيها الأرواح وهل يستطيع أن ينفخ الأرواح ولكن هذا من باب التعجيز والعذاب بأن يحمل ما لا يستطيع وما لا يطيق والعياذ بالله فيطول عذابه ولولا أن في التصوير خطورة وفيه فتنة لما رأيتم فتنة الناس به وكثرته لأن الشيطان يحث عليه ويحرض عليه لأن فيه ضررا على بني آدم فهو يحثهم على فعله وعلى صنعته من أجل أن يتحملوا هذه الأوزار والعياذ بالله وتتخلص أنواع الوعيد وتتخلص أنواع الوعيد التي وردت في حق المصور فيما يلي أنه صلى الله عليه وسلم لعنه وأنه أشد الناس ظلما وأنه أشد الناس عذابا وأنه يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في النار وأنه يكلف بنفخ الروح بكل سورة صورها ويقال له احيي ما خلقته إلى آخره. Donc le cheikh il dit que le hadith qui dit ça c'est une autre menace en fait le hadith l'autre hadith qui dit celui qui a fait une image ça c'est une autre catégorie de menace parce que dans ce hadith là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on va lui demander de mettre ou de souffler une âme dans ce qu'il a dessiné ou dans ce qu'il a fait comme image et bien entendu il ne sera jamais capable de le faire. Et ça, c'est une autre forme de punition, hein, parce qu'il est incapable de le faire, et c'est pour lui montrer son incapacité en même temps, pour lui montrer sa faiblesse et son incapacité, qu'il n'est pas capable de le faire. Et donc, puisque tu n'es pas capable de le faire vivre, alors pourquoi tu essayais de le faire, hein, pourquoi tu essayais d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, peut-être que dans le fond du cœur de la personne qui fait ses images et ses représentations, il souhaiterait être capable de les faire vivre s'il le pouvait. Hein? Et donc c'est ça l'arrogance et l'orgueil de l'être humain. Hein? Et naam, Allah musta'an. Donc c'est pour ça que il va être châtié par ce fait-là, il y a un jour de la résurrection. Et voilà, yadu billah. Donc son châtiment va durer longtemps. Et après le cheikh il dit, et si ce n'était pas que la photo c'est dangereux à ce point-là, et que c'est une fitna pour les gens, on n'aurait pas vu à quel point les gens d'aujourd'hui ont une grosse fitna avec les images et les photos. Hein? La photo et les images et les représentations d'humains et d'animaux, ça a toujours été une fitna pour les hommes, toujours été une tentation, une épreuve pour les hommes, et jusqu'à aujourd'hui, vous le voyez, hein? Maintenant avec les caméras, maintenant même dans les téléphones, celui-là, il y a des caméras. Hein? Et là, les gens font des photos avec tout, maintenant des caméras digitales, numériques et tout. C'est vraiment facile de faire des images et des photos. Et donc, les gens, ils ne font pas attention à ça. Et le cheikh, il dit que le shaitan, il est en train d'inciter les gens à faire des images et des photos parce que le shaitan, il veut faire du tort au fils d'Adam. Et il veut les amener à faire ce qui va les amener dans le péché en fait. Et qu'est-ce qui va les faire porter le poids des péchés qu'ils font au jour de la résurrection. Donc c'est le shaitan qui est derrière ça. Puis le cheikh il dit qu'on peut résumer tout ce qui a été dit comme menace au sujet de la personne qui fait des images dans les choses qui suivent. Premièrement il est maudit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sera parmi les gens qui auront le plus grand châtiment. au jour de la résurrection, et que c'est parmi les hommes, c'est lui qui est le plus injuste. Ashadun nasi zulman wa ashadun nasi azaban. Il aura le plus dur châtiment et c'est l'homme le plus injuste. Et on va faire de chaque image qu'il a fait, on va lui donner une âme et il sera châtié par cette image dans le feu, comme on l'a dit tout à l'heure, et il va être chargé ou demandé de souffler une âme dedans, il ne sera pas capable, et on va lui dire, fais vivre ce que tu as créé, fais vivre ce que tu as créé, et il ne sera pas capable. Donc ça c'est pour qu'est-ce qu'on a rapporté comme hadith à propos de cette question-là. Maintenant il y a un autre hadith qui est mentionné, c'est le dernier hadith dans le chapitre, c'est le hadith qui est apporté selon par Muslim, par l'imam Muslim, selon Abil Hayyaj. Il a dit que Abu al-Hayyaj, mais là ici c'est An, donc on dit Abi. Le cheikh il dit Wali Muslim, An Abil Hayyaj, قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا صويتها إلا صويتها. C'est-à-dire que l'imam Muslim il a rapporté que Abu al-Hayyaj a dit, Ali ibn Abi Talib m'a dit, est-ce que je vais t'envoyer dans une mission qui est la même que celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait envoyé faire. Il m'avait envoyé dans une mission, et moi je vais t'envoyer dans une mission semblable à celle-là. C'est-à-dire que tu vas, toute image ou statue ou sculpture que tu trouves, tu vas la détruire, et toute tombe qui est surlevée, tu vas la niveler au niveau du sol. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Ali ibn Abi Talib pour faire ça à son époque. Il avait envoyé Ali ibn Abi Talib pour détruire toutes les statues, puis après de niveler toutes les tombes, de les raser au niveau du sol. Alors Ali ibn Abi Talib a dit à Abi al-Hayyaj, je vais t'envoyer faire la même chose. D'accord? Maintenant l'explication de ce hadith. Le cheikh الفوزان الزي قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك أي أرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرسلني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلفني به. فعلي رضي الله عنه يريد أن يكلف أبا الهياج بهذه المهمة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع سورة نكرة في سياق النفي فتعم كل سورة مجسمة أو مرسومة أو ملتقطة بالآلة إلا طمستها أي طمسها يكون بإتلافها أو بقطع رأسها حتى تصبح مجرد شكل بدون رأس لأن الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه، وليس معنى طمس الصورة كما يفعله بعض الجهال والمتحيلين أنه يجعل خطا في عنق الصورة فيصبح كالطوق، لأن الطمس أن تزيل الرأس إما بقطعه وإما بتلكيخه وإخفائه تماما. Ok, d'accord. Donc le chef ici explique que il dit, donc comme on a expliqué, que Ali ibn Abi Talib a envoyé Abu al-Hayyaj et lui a dit, je vais t'envoyer dans une mission qui est la même que celle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'avait envoyé accomplir, et c'est donc pour dire que Ali veut donner à Abu al-Hayyaj cette mission, et il lui dit de ne laisser aucune image. Et le chef il explique qu'est-ce que ça veut dire en arabe. L'image c'est la sourah, on dit en arabe sourah, une image, sourah avec sad, ok, sourah, c'est pas comme sourah comme avec sin, comme sad, waouh, ra ta marbouta. Oyakum. C'est pas comme la sourate dans le Coran. D'accord? C'est un signe. Donc ça, c'est sourate avec sad. Une image, une photo, une image, une représentation. Ça peut être n'importe quoi qui est fait pour représenter quelque chose. En particulier les images, les photos d'êtres humains et d'animaux qui sont interdits dans l'islam. Le cheikh, il dit donc que c'est général. La photo, c'est général parce que dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah tada'a suratan » et il a dit d'une façon indéfinie, donc c'est général. C'est pour toutes les images, toutes les sortes, que ce soit fait, que ce soit en trois dimensions, ou que ce soit en deux dimensions, ou que ce soit des photos faites par appareil photographique ou autre, tout ça c'est, ça rentre dans yani le fait qu'on doit la détruire ou faire que la détruire. Et après il dit illa tamastaha, c'est ça at-tams. Le cheikh il dit at-tams, ça veut dire le rendre yani inutile ou le détruire, c'est ça que ça veut dire, hein, al-itlaf. Tams, ça veut dire que ça va plus être utile, tu pourras plus l'utiliser par la suite, il n'aura plus d'utilité. Et le chef, il l'explique soit que c'est en le détruisant complètement, ou soit en coupant sa tête. Donc si c'est une statue, tu lui coupes la tête. Si c'est une photo aussi, tu coupes la tête, pour que ça reste juste comme une forme, mais sans tête. Dans ce cas-là, ça, c'est plus vivant. Pardon? Comme un tronc d'arbre, exactement. Non, comme un tronc d'arbre. Donc ça veut dire qu'à partir du moment qu'il n'a plus de tête, il ne peut plus vivre, donc ça ne peut plus être quelque chose de vivant, et donc dans ce cas-là, il devient, c'est plus interdit dans ce cas-là, puisqu'il n'a plus de tête. Et on sait que c'est une image, elle n'est pas complète tant qu'elle n'a pas une tête et un visage. Et le chef, il dit, cela ne signifie pas que comme certains ignorants, ils essaient de faire parfois, ils tracent juste une ligne sur le cou. Et ouais, c'est ça. Ils mettent un trait, juste là où il y a le cou, pour essayer de. Mais le chef, il dit non, ça c'est pas suffisant, il faut complètement enlever la tête. Au complet. D'accord? C'est pas juste mettre une ligne pour le cou, là, pour séparer. Pour montrer qu'il y a une séparation. Ensuite, le cheikh il dit wa qawluhu wa la qabran musharrafan illa sawaita. La tête. Il a dit la tête. Si c'est juste, si c'est un dessin de la tête seulement, ben, tu peux, comme tu dis, boucher les yeux, effacer les yeux, la bouche, le nez, ainsi de suite. Wallahu a'lam. Comme des jouets. Ouais, s'ils ont des détails comme des bouches, des nez, des yeux et tout, faut leur couper la tête. Mais comme il y en a qui se battent sur le fait qu'Aïcha radiallahu anha, elle avait un jouet, comme un cheval, puis avec des ailes, puis qu'elle avait aussi une poupée, des trucs comme ça. Sauf que d'après ce que j'ai entendu, les ulama ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas des yeux, puis un nez, puis tout ça. C'était pas une poupée faite comme les poupées d'aujourd'hui, là. Exactement. C'était pas fait par des ingénieurs, dans des moules, avec des moules et tout, là, tout bien fait. Non, c'était des jouets que les enfants se fabriquent eux-mêmes, comme le frère il dit, comme pour s'amuser, hein. Et surtout dans des pays comme aujourd'hui, tu vas aller dans d'autres pays comme en Haïti ou ailleurs, tu vas voir des enfants, ils s'inventent des jeux, des jouets avec des trucs qu'ils trouvent comme ça par terre. C'est pas sophistiqué comme tous les jeux qu'on vend ici chez Toys R Us ou bien des choses comme ça. Là. Tu vois, mais on s'amuse avec d'autres choses. Non. Vas-y, Jamal. Tu veux dire comme un genre de monstre ou quelque chose comme ça, tant que ça ne ressemble pas à un être humain ou un animal, il n'y a pas de problème. Tu peux dessiner des arbres, tu peux dessiner le soleil, la lune, tu peux dessiner des maisons, des paysages, mais tu peux pas dessiner des êtres humains ou des animaux, d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, il faut pas dessiner des formes qui ressemblent à des animaux ou des êtres humains, d'accord? Dessine un robot qui a pas de tête, ok? Qui a pas de yeux, qui a pas de bouche, qui a pas de nez. Non. Donc il faut bien se rappeler de ça parce que c'est haram de faire des images et des photos. Hein? Et ça c'est une des choses qui m'avait même, quand j'étais plus jeune, je lisais toujours la Bible avant d'être musulman, puis j'avais toujours été frappé par le premier des 10 commandements dans la Bible, c'est écrit dans l'Ancien Testament, tu ne feras aucune image dessinée, sculptée ou gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Hein? Et donc il reste rien, c'est-à-dire toutes ces choses-là c'est interdit, et pourtant comme le frère Issa il dit, tu rentres dans une église et puis tout ce que tu vois c'est des statues, des images, des gravures, des sculptures et tout ça. Donc moi ça m'avait vraiment montré déjà d'une façon claire que la religion catholique c'était pas la vraie religion, hein. Le chemin de la croix, oui je le sais, j'ai tout ça, on a vu, même des fois c'est des statues des saints aussi. Saint Joseph, Sainte Marie. Et oui, et puis ils ont même à Rome, je crois que c'est au Vatican, sur le toit sur le plafond de la citadelle, d'une cathédrale, ils ont fait un dessin comme un homme nu qui flotte dans les airs, avec une personne âgée avec une barbe blanche qui flotte dans les airs, et avec des petits bébés tout nus qui ont des ailes dans le dos, et ils disent que ça c'est Dieu et qui a créé Adam. 16 chapel, hein? La 16e chapelle. 16 chapel. Oh oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. C'est pas Léonard de Vinci qui a dessiné ça? Non. Michel-Ange, ouais c'est ça, Michel-Ange, donc ça c'est des représentations de Dieu, ça c'est teshbih, c'est ça qu'on appelle teshbih, de représenter Dieu, de le faire comme un, de le dessiner comme un homme, et du moment que les gens ont cette idée-là dans leur tête que ils ont imaginé Dieu comme un homme, hein, comme un vieux avec une barbe blanche, a'udhubillah, donc là c'est facile pour eux d'imaginer qu'il a un fils. Hein, ça rentre dans leur tête par la suite qu'il a un fils, puis plein d'autres faussetés par la suite. Bien sûr. Donc les gens ils apprennent ça, ils étudient ça, ils s'imaginent. Mais c'est quoi cette religion là de mushrikin, yani a'udhubillah. Hein? Quand tu lis les 10 commandements, le premier des 10 commandements, tu ne feras aucune image dessinée, sculptée ou gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer, que ce soit un oiseau, que ce soit un être humain ou un animal sur la terre, ou un poisson ou des animaux qui vivent dans l'eau, tu n'as pas le droit de faire des représentations. Oui, mais s'ils disent, eux c'est un de leurs arguments, comme tu dis, c'est toujours de dire que le Nouveau Testament est venu abroger le Nouveau soi-disant, et pourtant, Jésus dans le Nouveau Testament, ils lui ont attribué la parole dans Matthieu 5, 17-19, oh oui, de verset 17 à 19, c'est écrit que Jésus aurait dit que il n'y a pas, les cieux et la terre vont passer, mais il n'y a pas un iota de la loi qui va passer. Et celui qui en brisera le plus petit de ses commandements sera le moindre dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que Jésus est en train de dire, et même juste avant ça, il dit, je ne suis pas, pensez pas que je suis venu abolir la loi, je suis venu la compléter. Donc s'ils croient en cette parole-là, soi-disant, que Jésus a dit dans leur Bible, qui est falsifiée, qui est même pas authentique, mais quand même, c'est une preuve contre eux, hein, de ceux qui soi-disant prétendent que Jésus est venu abolir abroger qu'est-ce qui était révélé dans l'Ancien Testament. Ouais, non, mais ça c'est les chrétiens qui ont inventé ça, tu vois. Il n'y a pas un nouveau, puis il n'y a pas d'ancien, il y a un seul, il y a un seul testament, c'est tout. Hein? Mais c'est eux qui ont divisé leurs livres comme ça, pour faire des comme qu'est-ce qui est avant Jésus, qu'est-ce qui est après Jésus, mais pour de vrai, il n'y en a pas différent. Tous les prophètes et les messagers d'Allah sont tous venus avec le même message et le même témoignage. C'est la ilaha illallah. Hein? Et chaque prophète, il disait la ilaha illallah. Et si c'était Moïse, il disait Moussa Rasulullah. Ou bien si c'était Isa, il disait Isa Rasulullah. Et ainsi de suite. Ah, mais oui. Hein, parce que tu pouvais pas adorer Dieu sans croire à ce prophète, à cette époque-là. Et aujourd'hui, on croit en tous les prophètes, mais quelqu'un qui dit pas Mohammed Rasulullah, il sera pas considéré comme un musulman, tant qu'il n'a pas dit Mohammed Rasulullah. Même s'il dit la ilaha illallah, mais il dit pas Mohammed Rasulullah, ce sera pas accepté. Il faut dire les deux. Hein? Donc ça c'est un point, et donc le cheikh ici, il, où est-ce qu'on était rendu donc oui. ولا قبرا مشرفا إلا سويت المشرف المرتفع. C'est-à-dire qu'est-ce qui est élevé au-dessus de la terre. Ok. Et le cheikh il dit بأن يبنى على القبر. Oui c'est ça. بناية من أجل تعظيم القبر. كما يفعل من بناء الأبرحة. أو يزاد عليها من غير ترابها حتى تصبح مرتفعة أكثر من شبر أو تجصص القبر القبور ويكتب عليها وما أشبه ذلك فهذا كله حرام لأنه وسيلة إلى الشرك ولاحظوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين طمس الصورة وتسوية البناء على القبور مما يدلك على أن منفع على أن من العلم العظيمة في منع التصوير أنه وسيلة إلى الشرك، فكما أن البناء على القبور وسيلة إلى الشرك، فكذلك التصوير وسيلة إلى الشرك أيضا. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم كلف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بهذه المهمة مما يرد به أو يرد به على الذين يغلون في أهل البيت ويزعمون أن لهم خاصية تصوغ الغلو في قبورهم. Donc le cheikh il explique ici, il dit que même la partie du hadith qui dit et même qu'une tombe qui est surélevée, il faut la niveler. Parce que c'est ce qu'il dit ici. Le cheikh il dit que on n'a pas le droit de faire une construction par-dessus une tombe. Comme les gens qui, aujourd'hui, par-dessus les tombes, ils font une petite construction pour honorer la personne qui est enterrée dans cette tombe-là. Ou bien, comme certains font, par exemple, ils vont construire une mausolée par-dessus cette tombe, ou un dôme. Et, ou bien, ils vont mettre sur la tombe une quantité de terre extra, c'est-à-dire plus que la terre qu'on a utilisée pour faire le trou. Hein? On n'a pas le droit de rajouter à cette terre-là. C'est-à-dire quand on a creusé le trou pour faire la tombe, on a sorti la terre, quand on remet la terre, on n'a pas le droit d'en prendre plus que qu'est-ce qu'on a mis. On remet uniquement la terre qu'on a utilisée pour creuser le trou. Ensuite, le cheikh il dit, et on n'a pas le droit non plus de la plâtrer cette tombe. On n'a pas le droit non plus de la plâtrer, c'est-à-dire de mettre comme ils mettent de la chaux là sur les tombes, un truc blanc là, hein, c'est comme du plâtre, oui, comme du plâtre blanc. Ils mettent une construction dessus puis ils la peinturent avec de la chaux, ça s'appelle, c'est comme un truc blanc. Et de la plâtrer aussi, de mettre du plâtre par dessus, hein, ou bien des briques, ou bien de mettre du ciment, ou bien comme tu dis, du marbre et des trucs comme ça. On n'a pas le droit de faire ces choses-là. On n'a pas le droit non plus d'écrire sur la tombe des inscriptions, comme le nom de la personne, la date, quand est-ce qu'elle est morte, quand est-ce qu'elle est née, toutes ces choses-là, ça c'est interdit. D'accord? On n'est pas supposé de pouvoir distinguer entre une tombe et une autre. Elles sont supposées d'être toutes pareilles. Et tout ça c'est haram, le cheikh dit, tout ça c'est haram. Et c'est un moyen ou quelque chose qui peut faire tomber les gens dans le shirk. Et en particulier ici, là, les gens d'ici, les gens du Québec, dans leur croyance populaire, c'est qu'ils s'imaginent que leurs ancêtres ou les morts de leur famille reviennent leur parler et leur font des prières même. Tu vas souvent entendre des gens comme ça qui vont dire j'ai prié à mon grand-père ou j'ai prié à ma grand-mère, des gens comme ça, tu vois, qui se disent catholiques, chrétiens, puis qui prient à leurs parents, à leurs ancêtres. Comment c'est bizarre que des gens qui croient pas en Dieu, mais ils croient en toutes sortes de superstitions bizarres qui n'ont rien à voir avec la religion. Je ne sais pas, je me souviens pas de ça, mais je me souviens de. Il y a une chose qui dit, c'est clair que quelqu'un qui rejette la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ben il va s'égarer. Et ça fait partie de l'égarement, tu vois. Et donc, il y a des gens parmi eux, même dans ma propre famille, qui croient en des extraterrestres, qui croient en des trucs de bizarres, hein, j'en ai déjà parlé, des exemples de ça. j'ai un oncle, hein, qui est dans un truc de science cosmique. Les sciences cosmiques. vous connaissez pas les sciences cosmiques? Ok, ouais. Il va venir la chercher. Ouais. Allah Moustahan. Non, c'est ça, les gens dans ma famille, il y en a qui, tu les vois, ils se disent catholiques, ils ont été baptisés, ils sont jamais allés à l'église, mais ils vont voir les voyantes, les diseuses de bonne aventure, les lecteuses de cartes, hein, pour leur demander l'avenir. Ouais, des boules de cristal, toutes sortes de trucs comme ça. Et ils croient en ça, ils vont se faire. Hein, c'est fini. Donc c'est juste pour vous dire que les gens qui des fois ils disent qu'ils croient pas en Dieu, mais ils croient en des choses absurdes et vraiment loin de la vérité, puis ils se prétendent dans le droit chemin. Donc ça c'est grave, et ça, tout ça c'est des exemples dans ce hadith qui nous montrent que c'est interdit à nous de faire ce genre de construction et ce genre d'image. Et le cheikh il donne un point intéressant ici par la suite. Il dit, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni entre deux choses dans ce hadith. Quand il a ordonné Ali de partir pour cette mission-là, il lui a dit, il a réuni entre le fait de détruire les images et le fait de niveler les tombes. Ce qui indique que la cause, une des grandes causes de l'interdiction des photos, c'est que c'est un moyen vers le shirk. Comme le fait de construire sur les tombes est un moyen aussi vers le shirk. Donc, de la même façon, le fait de faire des images et des photos, ça amène les gens à tomber dans le shirk. Hein? Et, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé Ali ibn Abi Talib de cette mission importante, donc, c'est une récitation également contre les extrémistes parmi les Shia et les Rafidah qui exagèrent au sujet de Ali et au sujet de Ahlul Bayt et qui les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui construisent au-dessus de leurs tombes des mosquées et ils font des pèlerinages à leurs tombes et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que même Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, lui-même on lui avait ordonné de niveler les tombes et lui-même il a envoyé des sahabas pour faire ça. Donc ça veut dire que les chiens n'ont pas d'argument, parce que même celui qu'ils prétendent suivre, hein, qui est Ali ibn Abi Talib lui-même, il a ordonné de niveler les tombes et d'arrêter de niveler tout ce qui a été construit au-dessus de la terre par rapport à ce que les gens font par exemple au-dessus des tombes. Donc tout ça c'est une réfutation aussi pour les rafidats en même temps qui exagèrent avec les tombes. Et le cheikh dit wa qawluhu wa la qabran mushrifan ya'ni mu'tafi'an bil bina aw bit turab fa fi hadha al amr fa fi hadha al amr bi hadm al qibab allati 'ala al qubur wal amr bi hadm al adriha wa anna hadha min muhimmati wulat al umur wa min muhimmati kull muslim an ya'mal 'ala izalati hadha al shay فإن كان له سلطة وقدرة فيزيله باليد وإن كان ليس له سلطة فإنه يتصل بولاة الأمور ويبلغ ويبين أن هذا أمر يلزمهم إزالته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته ويحذر المسلمين من البناء على القبور ويبين لهم السنة في دفن الموتى وما يلزم اتخاذه وعمله نحو القبور مما هو مشروع. Donc le cheikh explique ici que lorsque le prophète Rasul nous dit de ne pas de faire des tombes, de construire ou d'élever les tombes, en fait lorsqu'il dit de niveler les tombes, c'est une indication qu'on n'a pas le droit de construire quoi que ce soit sur les tombes. Et il y a d'autres hadiths plus spécifiques à ce sujet-là que le cheikh n'a pas mentionné ici, mais qu'on a mentionné dans les chapitres passés, dans les chapitres où on parlait de ce sujet-là en particulier, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement qu'il est interdit de construire quoi que ce soit sur les tombes. Et le cheikh dit qu'il y a l'indication de détruire tous les dômes et les constructions qui ont été fabriquées ou construites sur les tombes. Et les mausolées également, il faut toutes les détruire. Hein? Et ça c'est, le cheikh dit ça, c'est l'obligation des dirigeants. Hein? Et c'est le devoir de chaque musulman de travailler et de faire en sorte que ces dômes et ces constructions sur les tombes soient éliminées, d'accord. Toutefois, si quelqu'un a une autorité, il peut, si quelqu'un a une autorité dans la société, dans le sens qu'il est le dirigeant ou bien un représentant du dirigeant, il peut aller et le faire détruire par lui, par la force, par sa main, hein. Mais toutefois, s'il n'a pas d'autorité, il ne peut pas aller puis détruire la tombe toute seule par lui-même. Il doit plutôt contacter les responsables, les dirigeants, et leur expliquer le mal qu'il y a dans ça, et leur expliquer l'interdiction de ces choses-là, et leur demander de l'éliminer. D'accord? S'ils le font, alhamdoulilah, s'ils le font pas, alhamdoulilah, c'est Allah qui va les juger, au jugement dernier. D'accord? Et bien entendu, il faut expliquer ça aux musulmans et enseigner que c'est interdit aux musulmans pour que justement il y ait petit à petit une conscience chez les musulmans, qu'ils commencent à comprendre que ces choses-là sont interdites dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait lui-même, il a ordonné de le faire. Et il faut donc avertir les musulmans de ne pas construire quoi que ce soit sur les tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné également la sunna, comment enterrer les morts, et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à quelqu'un qui est mort, et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au tombeau et au cimetière, comment on doit les arranger. Donc tout ça, ça a été clarifié dans la sunna, comment le faire selon la sunna. D'accord? Donc ça, c'est des choses importantes qui ont été expliquées à ce sujet-là. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que pour la question des dômes et des cimetières, les constructions qui ont été faites sur les tombes, il ne faut pas essayer, comme le cheikh l'explique, il ne faut pas essayer par soi-même de partir puis de les détruire. Hein? Même ici, par exemple, tu vas voir des statues des mouchriquins, tu n'as pas le droit de les casser par soi-même. Tu n'as pas le droit d'aller puis de les casser par toi-même. Parce que pour faire ça, ça prend une autorité, ça prend une force, et c'est pas permis pour quelqu'un de faire ça de son propre initiative. Parce que le mal que tu veux éliminer risque d'amener un mal qui est plus grand. Et dans ce cas-là, ça ne c'est pas permis de le faire. Alors ça, c'est pour faire comprendre aux gens que on doit suivre les règles de la charia pour changer le mal, et non pas changer le mal sans comprendre et sans réfléchir. Sinon, ça amène plus de mal que de bien. Donc ça c'est par rapport à ce qu'on a expliqué à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un autre point que j'ai oublié? Les vêtements pour enfants, tu veux dire? Ouais. Non, c'est ça, c'est fait exprès. Ils font des vêtements qui ont des images dessus, des trucs comme ça pour les bébés. Puis comme tu dis, c'est très difficile de trouver des vêtements sans dessin, sans images. Mais il faut faire l'effort pour en trouver. Et lorsque les gens vont voir qu'il y a une demande, un marché pour ça, ils vont commencer à en faire. Mais c'est que le problème, c'est que les gens les achètent quand même, surtout les musulmans, tu vois. Ouais, il y a des gens qui sont pratiquants de l'islam et tout, puis qu'ils achètent sans faire attention, des choses comme ça. Tu vois par exemple des parents qui vont acheter des chaussures pour leurs enfants, puis ils vont acheter des chaussures avec Spider-Man dessus, puis des bonhommes et des trucs comme ça, tu vois, parce qu'ils veulent soi-disant faire plaisir à leurs enfants, mais on fait qu'à barakari. Donc le cheikh il dit ensuite, فهذه الأحاديث فيها فوائد ومسائل عظيمة. المسألة الأولى فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم وكلامه سبحانه وتعالى كسائر صفاته يليق بجلاله وليس ككلام المخلوق. السلام عليكم جماعة. Donc, les points qu'on peut tirer de ce chapitre, c'est premièrement, comme par exemple, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la parole, et qu'il parle, et que sa parole est, comme toutes ses autres attributs, sa parole n'est pas comme la parole de ses créatures. Donc, toutes les attributs d'Allah sont différentes de celles de ses créatures. Le deuxième point, al-mas'alatu thaniya, في الحديث دليل على تحريم التصوير بجميع أنواعه ولا يستثنى شيء من التصوير لقوله سبحانه وتعالى كل مصور في النار ومن صور صورة ولا تدع صورة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وهذا عام في كل مصور وكل صورة بأي وسيلة كان إيجادها ولكن ما دعت الضرورة إليه من التصوير فإنه يرخص فيه مثل الصورة التي توضع في الجواز أو إثبات الشخصية لأن الناس يمنعون من حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم بل حتى من دخولهم في المدارس والمعاهد إلا بهذا فكان هذا من باب الضرورة فيجوز بقدر الضرورة فقط وما عداه من التصوير فهو حرام سواء كان للذكريات كما يقولون أو لأجل الفن أو لغير ذلك من الأغراض أو لتجميل الجدران وما أشبه ذلك فكله حرام. الشيخ explique ici, il dit, dans le hadith il y a une preuve de l'interdiction des photos. Dans toutes ces caractéristiques et dans toutes ces manifestations et toutes les sortes de photos et d'images. Et la seule exception, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est fait par nécessité, comme les cartes d'identité ou bien les permis de conduire ou les permis de, les passeports. Mais sinon, il n'y a pas d'exception. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui fait des images, il est dans l'enfer. Et toute personne qui fait des images, ou bien toute personne qui fait des photos ou des représentations, il sera demandé de mettre l'âme dedans. Et il a dit aussi, ne laisse aucune image. Et il a dit que les gens qui auront le plus dur châtiment seront les gens qui font des photos et tout. Donc ça c'est général pour toute personne qui fait des photos et des images, qu'il soit peintre, ou photographe, ou sculpteur, ou autre, ça rentre, ce châtiment-là rentre dans la menace. Et peu importe la photo, par quel moyen elle a été prise, que ce soit avec une caméra ou avec autre moyen. Et le cheikh dit, ولكن ما دعت الحاجة, c'est ça. S'il y a une nécessité pour une photo, comme par exemple les photos de passeport, les photos de carte d'identité des choses de ce genre, tu n'as pas le choix de le faire parce que sinon tu ne pourras pas voyager ou tu ne pourras pas rentrer dans tes cours à l'école ou des choses comme ça sans avoir ta carte d'identité. Donc tu dois, tu n'as pas le choix de la faire, donc c'est une nécessité dans ce cas-là. Et le cheikh il dit que c'est permis selon la nécessité, selon le besoin et la nécessité. Mais en dehors de ça, c'est haram. Peu importe que ce soit des photos qui sont gardées pour le souvenir, ou bien pour l'art, ou bien pour d'autres buts ou d'autres raisons, ou bien pour un embellissement, ou pour décorer les murs ou des trucs comme ça, décoration dans la maison, tout ça c'est haram. L'argent, sur l'argent, oui, ça aussi c'est haram. La faute. Oui, mais là, la photo sur l'argent, c'est haram. Mais étant donné que tu n'as pas le choix, que tu ne peux rien faire, tu es obligé de l'utiliser. Oui, c'est ça, les pièces aussi. C'est ça, c'est dommage que ce soit comme ça, subhanallah, l'instant. En tout cas, mashallah al-afiyah. Après, le cheikh, il dit, « والمسألة الثالثة في الأحاديث بيان علة التحريم علة التحريم التصوير وهي أنه مضاهة لخلق الله وأيضا هو وسيلة من وسائل الشرك وهذه أشد. Le cheikh dit comme point numéro 3, il y a l'explication de la raison pourquoi les photos ont été interdites. Parmi ces raisons-là, il y a le fait que c'est une imitation de la création d'Allah. Et il y a également que c'est un moyen parmi les choses qui amènent les gens au shirk. Le quatrième point, المسألة الرابعة في الأحاديث دليل على أن التصوير من كبائر الذنوب وذلك لأمور. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه من أظلم ممن يخلق كخلقي. فهذا يدل على أن التصوير كبيرة. وثانيا وعيده بالنار. والوعيد بالنار إنما يكون على كبيرة. الشيخ dit que quatrièmement, il y a les preuves dans ce chapitre que et dans ces hadiths là que de faire des images, des photos et des représentations, ça c'est parmi les plus grands péchés. Et la preuve c'est que premièrement le prophète صلى الله عليه وسلم a dit de son Seigneur de la part que il a rapporté les paroles d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit que qui est plus injuste que celui qui essaie de créer comme ma création. Et ça, ça indique que c'est un grand péché. Deuxièmement, il a menacé celui qui fait des images du feu, par le feu. Et celui qui, c'est clair que lorsqu'il y a une menace de l'enfer, ça indique que c'est un grand péché. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب طمس الصور والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بيت عائشة في بيت عائشة قراما فيه تصاوير تغيظ صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت حتى هتك هذا القرام وأزيلت الصور المعلقة. ففي هذه الأحاديث وجوب إتلاف الصور أو امتهانها بأن الصورة إذا كانت ممتهنة وتوطأ وتداس ويجلس عليها فإنها تكون ممتهنة كما إذا كانت في فراش أو في إناء يشرب فيه أو يطبخ فيه فإنها ممتهنة ولا قيمة لها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أميط القرام وجعل وسائد جلس عليه وصارت الصور مهانة. Le cinquième point, c'est que les hadiths indiquent qu'il faut détruire les photos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré chez lui une fois, il a vu que Aïcha radiallahu anha, elle avait un rideau avec des images dessus, et il était en colère. Alors il a refusé d'entrer jusqu'à ce que les rideaux soient détruits. Et il en a fait des, pour pas que les photos soient accrochées, on en a fait des coussins sur lesquels on s'assoyait. Et donc, le cheikh, il dit que dans ces hadiths-là, il y a la preuve qu'il faut détruire les images, ou bien il faut les utiliser dans des choses qui sont rabaissantes, ou bien qui sont, disons, une forme de manque de respect ou d'humiliation pour ces images-là. D'accord? Et dans le sens que si on utilise des photos pour faire des coussins ou un tapis qu'on marche dessus, ou bien si ce sont des photos de quelque chose comme on ne lui montre pas aucun respect, dans ce cas-là, c'est pas grave, on n'est pas obligé de le détruire, on peut le laisser tel quel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait avec les coussins et s'assoyait dessus. Donc, du moment que la photo est humiliée ou rabaissée, donc, c'est permis. Il a dit le cheikh, comme par exemple une tasse, ou un chaudron, ou une assiette, ou un plat qu'on utilise pour mettre pour manger dedans ou pour boire avec, ou des choses de ce genre, ou comme tu dis, une couverture, si c'est pour s'asseoir dessus, ouais, mais par contre, pour dormir et se couvrir par-dessus avec, je sais pas si dans ce cas-là, si ça... Ok, si tu dors sur la couverture, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu dors par, si tu dors en dessous de la couverture puis que le dessin est par-dessus, dans ce cas-là, Allahu a'lam, je ne sais pas si c'est, si ça rentre là-dedans. Parce que le but, c'est qu'elle soit rabaissée et humiliée, cette photo-là. D'accord? Et le cheikh, il dit ensuite, al-mas'alatu sadisa, fi al-hadith dalilun ala wujub hadm al-adriha al-mabniya ala al-qubur. لأنها وسيلة من وسائل الشرك فيجب هدمها مما يقدر على ذلك بسلطته ومن لا سلطة له فإنه يبين ويدعو إلى هدمها ويراجع السلطة في هدمها. للشيخ الزيكر السيزيام بوين dans ce hadith il y a la preuve qu'on doit détruire les mausolées et les constructions qui ont été faites sur les tombes. Parce que c'est un moyen, et c'est quelque chose qui amène au shirk. Et c'est obligatoire de les détruire de la part de la personne qui a une autorité pour le faire. Si quelqu'un n'a pas d'autorité pour le faire, dans ce cas-là, il doit juste clarifier le verdict, expliquer aux gens qu'il faut les détruire, et inviter les musulmans à et les dirigeants à les détruire, et de... d'indiquer ou de retourner aux d'aller vers les autorités dans les pays musulmans pour leur demander de faire en sorte qu'elles soient détruites, ces constructions-là. Mais il ne faut pas essayer d'aller par soi-même, il faut essayer de les détruire tout seul parce que ça va amener plus de mal que de bien. Les gens vont commencer à dire, non mais ils sont fous ces gens-là, regardez, ils veulent détruire les tombes des gens, ils n'ont pas de respect, ainsi de suite, ainsi de suite. Tandis que si c'est l'autorité qui le fait, le gouvernement qui le fait, dans ce cas-là, ça va être fait d'une façon plus ordonnée et personne ne pourra rien dire. Et même s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, ils ne pourront rien faire parce que ce sera l'autorité qui le fait. Hein? Donc là, dans ce cas-là, ça va être fait d'une façon correcte. Toutefois, si l'autorité ne le fait pas après qu'on leur ait dit, eh bien là, il ne faut pas commencer à réagir comme certains, parmi les Khawarij, quand le gouvernement refuse de leur obéir dans leur nasiha ou dans leur ordre, ils disent bon ben ça y est, ça ils nous ont pas obéi, on sort, on se révolte. Non non non, ça c'est pas l'attitude. Oui, le profanateur, ouais c'est ça, il y en a qui font, ouais, ceux qui vont pour profaner les tombes, ça c'est autre chose, ça c'est interdit. Mais nous qu'est-ce qu'on dit, c'est pas de profaner les tombes, on dit quoi? On dit de détruire ou d'enlever tout ce qui a été construit par-dessus. Mais c'est pas nous-mêmes qui avons le droit de faire ça. Il faut que ce soit les autorités, les gens, les responsables dans les pays musulmans qui doivent le faire. Non. C'est ça, hier, il y a un frère qui posait la question, puis on a expliqué que Cheikh Saleh Al-Fawzan, quand il a fait le charh et qu'il a parlé des photos et des images, on lui a posé la question au sujet de la vidéo. Puis lui, le cheikh, il a dit, tout ça, ça rentre ensemble, ça fait partie des images, d'accord? Donc, dans ce sens-là, oui, ça fait partie. Wallahu a'lam. Donc, comme... Oui, c'est ça, même j'ai entendu une fois, moi, j'ai entendu quelqu'un qui avait posé la question au cheikh Ibn Baz au sujet des vidéos et tout. Cheikh Ibn Baz, il avait refusé de se prononcer sur la question. Il a dit, j'ai pas encore une opinion à ce sujet-là claire. Donc, il n'a pas voulu se prononcer, il a dit Allahu A'lam. Mais probablement que par la suite, après, je sais pas s'il y a eu un verdict qui est sorti à ce sujet-là. Mais Allahu A'lam, il faut, Cheikh Mokbel, lui, il l'a interdit carrément, clairement, sans hésitation. Oui, donc ça, je suis au courant à ce sujet, que c'est interdit. Parce que tu vois, c'est comme, il y a des gens qui posaient cette question-là aussi, qui disaient, les chouïrs, ils ont fait des vidéos. Et là, en France, dernièrement, c'est ça ce qu'ils ont commencé à faire. ils ont fait les vidéos des chouyouk avec des sous-titrages en français, en anglais, et c'est ça. C'est très intéressant. Il y a un bienfait là-dedans, du fait que les gens ils disent bon, au moins on voit le visage du chef quand il parle et tout. Mais bon, oui. C'est vrai, mais le mieux c'est de les écouter sans les images, parce qu'il y a des gens qui préfèrent avec les images, mais bon, si tu veux voir leur image, va les voir en personne. Non, eux ils sont plus là, mais il y a d'autres ulama qui sont encore là et qui peuvent enseigner aux gens. Donc alhamdoulilah, c'est justement, c'est toujours compliqué, mais quand tu veux vraiment faire quelque chose, tu arrives toujours à le faire. Ça, c'est une chose que j'ai vue par moi-même, et je l'ai vu la preuve de ça. Quand tu veux quelque chose, puis tu es prêt à tout pour le faire, tu vas faire des efforts, puis tu vas y arriver. Mais si tu y mets pas l'effort, bon, ça c'est autre chose. Tu vois? Moi j'ai vu des gens, leur rêve c'était de rencontrer une grande vedette de la musique. Et puis ils voulaient rencontrer, je sais pas moi, un acteur ou un chanteur connu. Et puis ils ont tout fait, puis ils ont réussi à le rencontrer. Et puis pour nous si on voyait cet individu là dans la rue marcher, c'est comme si on verrait n'importe qui, hein, et ça veut rien dire pour nous. Hein, exactement. Mais les ulama de la Ummah, ça c'est un honneur de les rencontrer, de les voir, de les entendre en personne. Donc c'est ça ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. En tout cas, on a terminé le chapitre, donc pour aujourd'hui, on va donc s'arrêter ici, puis la semaine prochaine, samedi prochain inchallah, on va commencer le chapitre 62, c'est au sujet de Kathratul Half. Kathratul Half. Il y a les gens qui font beaucoup de, qui jurent beaucoup. C'est-à-dire, qui font beaucoup de, uqsimu billah. Ils disent toujours, wallahi, uqsim billah. On va voir qu'est-ce qui est rapporté dans le Coran, dans la Sunna, à ce sujet-là. C'est très, très intéressant. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليه